avec Ulrich Génisson. Comment ça va? Bonjour Dominique, comment vas-tu? Très bien, toi-même? Ça va, tu m'appelles pour savoir comment fonctionne notre application iPhone pour voir la vie en rose? Non, comment ça fonctionne? L'application, comment ça va la vie en France en général d'ailleurs? Avez-vous toujours le moral dans les talons à chaque fois que... Ah oui. Quand on croit avoir touché le fond, en fait, on s'aperçoit que non, pas encore. Il y a encore un fond encore plus profond. Et dans ce fond encore plus profond, est-ce qu'on peut mettre là-dedans l'élection du candidat Laurent Lopez du Front National, l'extrême droite qui remporte une élection en France? Est-ce que ça, c'est une exception ou ça peut être symptomatique de quelque chose de plus grand? Décris-nous le phénomène. Nous, on voit ça de l'extérieur. Toi, t'es deux pieds dedans. Décris-nous ça. C'est très simple, en fait. Cette élection, c'est le haut de l'iceberg. Les Français vont très, très mal. Donc, pour remettre bien les choses en place, ce qu'on appelle un parti d'extrême droite en France, le Front National, n'est pas du tout d'extrême droite. Il est d'extrême gauche. C'est-à-dire que le Front National, en fait, c'est un parti socialiste, c'est-à-dire que, pour reprendre un terme que tu as employé hier, que nous n'utilisons pas en France, on appelle ça « enouater les Français ». C'est-à-dire, on veut les coucouner à un État encore plus puissant, un État qui veut régler de plus en plus la vie des gens et distribuer encore plus d'argent. Donc le Front National, c'est un parti socialiste, et en plus, c'est un parti nationaliste, c'est-à-dire qu'il propose la préférence nationale en excluant donc les gens qui n'ont pas la nationalité française. Mais quand on dit l'extrême droite et la connotation, c'est quand même utilisé par beaucoup de médias français. Oui, quasiment tous les grands médias, oui. Parce que c'est proche quand même, le Front National est proche de certains groupes radicaux anti-immigrants, anti-islam, anti... Puis par le passé, le fondateur Le Pen, le père de Marine Le Pen, a quand même commis plusieurs impairs à l'endroit, entre autres, des Juifs. C'est pas un parti mainstream. Exemple, c'est un grand ami des musulmans, donc il n'est pas contre, en fait, que les musulmans en France construisent des mosquées, etc. Il faut pas, simplement banaliser le Front National en disant « c'est un parti d'extrême, raciste, donc on le met de côté », parce que là, on a vraiment une grande partie de l'électorat traditionnel français qui vote socialiste depuis longtemps, qui, en s'apercevant que le Parti socialiste français, en fait, ne fait pas vraiment ouvertement une politique de gauche comme le peuple l'attend, se tourne vers le Front National. C'est bien pour prouver, en fait, qu'il y a une très, très petite différence. Pour marquer le coup, on peut aller sur YouTube, aller voir un discours de Georges Marchais, qui était le président du Parti communiste français, candidat au présidentiel en 1981, et qui tient vraiment un discours raciste, et qui dit que l'immigration en France, il faut la stopper, il faut privilégier les Français, etc. On pourrait dire que Georges Marchais en 1981, communiste, je rappelle, donnait un discours exactement identique au discours du Front National de maintenant. C'est une victoire du ras-le-bol plus qu'une victoire... Oui, tout à fait. C'est-à-dire que maintenant, les gens mettent les partis de droite ou de gauche dans le même sac, ont été incapables de tenir leurs engagements, donc on vote Front National, qui devient en fait la seule alternative. Donc, c'est une réaction de genre, on n'en a rien à foutre des étiquettes, nous, c'est un ras-le-bol... On envoie un message à l'élite politique. Faites votre travail et écoutez-nous. Mais le problème, c'est qu'au Front National, on retrouve la même élite politique. Parmi le Front National, on retrouve des gens qui ont fait l'ENA, donc l'École Nationale d'Administration, que tous les grands politiciens français ont fait, qui administrent les gens. Donc, c'est des gens qui n'ont jamais travaillé, en fait. Ils sont politiciens professionnels. On retrouve les mêmes gens, les mêmes idées. Quand on regarde le programme politique du Front National sur Internet, il est libre, on voit les mêmes idées que le Parti Socialiste. D'ailleurs, le programme du FN, du Front National de 2012, les dernières élections, eh bien, François Hollande, président socialiste actuel, a déjà appliqué une grande partie des mesures qu'il proposait. C'est pour bien montrer les similitudes. Est-ce que le ras-le-bol est si généralisé qu'on pourrait voir le Front National faire une percée même au présidentiel? Ah oui. Je sais que c'est loin, mais Marine Le Pen... Les présidentielles, c'est des élections compliquées, donc je pense pas qu'au présidentiel, elle puisse y arriver. Par contre, aux législatives, donc le Parlement français, il y a 577 députés. Et en ce moment, il y en a deux du Front National. C'est une première depuis 30 ans. c'est possible qu'aux prochaines élections, voire des élections anticipées, il y ait 15, 20, 30 députés du Front National. Et dans ce cas-là, les deux grands partis se retrouvent en minorité et sont obligés de faire des accords avec le Front National. Et quel pourrait avoir l'impact de ça, d'un gouvernement de coalition avec une Assemblée nationale bigarrée où tu aurais le Front National lourdement représenté? Ça pourrait avoir quoi comme impact sur la France? Déjà au niveau international, au niveau de l'image de la France, c'est pas bon. Ensuite, après, pour arriver à trouver des accords politiques, ça devient très compliqué. Ça pourrait créer un chaos important, je pense, en France. En plus, l'année prochaine, nous avons aussi les élections européennes, qui sont des élections différentes, elles sont proportionnelles. Et le dernier sondage, qui date d'il y a 15 jours, mettait le Front National comme le premier parti français avec 24% d'intention de vote. Le deuxième à 22% étant la droite. Donc, c'est plus un vote. C'est un vote contre Hollande plus qu'un vote pour Marine Le Pen. Oui, mais le problème, c'est que Hollande est arrivé au pouvoir parce que c'était un vote contre Sarkozy. Donc, en fait, en France, maintenant, chroniquement, eh ben, on vote contre quelque chose et pas pour quelque chose. Donc, on voit bien que la politique et les programmes politiques français, en ce moment, ne font plus rêver du tout. C'est la faillite du système. C'est-à-dire que je vais reprendre encore toujours la même citation de Frédéric Bastiat. L'État, c'est la grande fiction à travers laquelle tout le monde s'efforce de vivre aux dépens de tout le monde. Eh bien, c'est ça la grande fiction. On a toujours fait espérer et rêver les gens en leur disant « Vous inquiétez pas, plus tard on paiera ». Donc on fait toujours plus de dettes, on distribue toujours plus d'argent. Et finalement, les gens, ils veulent toujours plus. Mais à un moment donné, il va falloir payer les conséquences de tout ça.